kii nag moom benn booy doom am la quoi, mais booy nag xam rek moo la. Alors booy bi ñëw xam nga, ñëw benn jour ñëw classe, maîtresse bi fekk joxe woon na exercice yi quoi xam. Alors booy muus ba dee met gis maîtresse bi di vérifier exercice yi, mu ne ko madame madame madame. Ah madame ne ko oui Moussa, mu ne ko est ce qu' on a le droit de punir quelqu'un pour quelque chose qu'il n' a pas fait. Madame mi ne ko non, on punit jamais quelqu'un pour quelque chose qu'il n' a pas fait. Alors booy bi ne ko ah tant mieux alors parce que j'ai pas fait mes exercices.